give it to, so me give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, Chanda Paul say. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Décembre au Fun Radio Christmas Tour, le mix du gel qui referme cette émission spéciale 2018. On a vécu ensemble l'hommage à Avicii, le set de Kungs à Fun Radio Ibiza Experience, celui de Jonas Blue au Party Fun Live du Cap d'Agde fin juin et le show de Craig David à Toumont Roland. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vibré avec Fun Radio cette année. En 2019, on va venir vous voir près de chez vous avec nos soirées, avec Bruno, avec Adrien Thomas du Before Party Fun, avec Marion et Anso, avec Lovin Fun, je sais qu'ils vous préparent de belles surprises. Tous les jours, il y aura le double fun avec des milliers d'euros de cadeaux à gagner. Il y aura du mix, des interviews. On vous fera vivre Tomo Roland, l'Electro Beach. On ira tous ensemble à Ibiza. On se croisera aussi dans la fosse et dans les gradins de Fun Radio Ibiza Experience. La billetterie est ouverte en 2019. Continuez d'écouter Fun Radio chez vous, dans la voiture, sur funradio.fr, sur l'application. Tous les jours, des dizaines de personnes créent des playlists, du contenu pour vous. Comme je dis souvent ici, on profite de la vie. C'était JB. Je vous retrouverai demain en direct à 16h sur Fun Radio, probablement avec une petite voix. Et tout de suite, connexion avec le Party Fun Live d'Avoria. Des milliers d'auditeurs réunis et nos DJ, Matt et Azlov, qui mixent pour vous avec le décompte à 23h59 pour passer en 2019. À l'année prochaine! Les meilleurs événements dance se passent sur Fun Radio. C'est le réveillon depuis le Party Fun Live d'Avoria 1800 avec Azlov et Matt. Connexion. Bonsoir à tous, bienvenue à Avoria 1800. Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct dans toute la France à partir de maintenant sur Fun Radio. La soirée démarre, bonsoir tout le monde, bonsoir Avoria 1800. En direct sur Fun Radio dans toute la France et dans le monde entier sur funradio.fr. Je m'appelle Matt. On démarre la soirée ensemble, s'il vous plaît. Avoria 1800. Je veux voir toutes les mains se lever vers le ciel, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde. Et je veux voir les mains se balancer, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qui est prêt à passer une soirée de folie avec nous ce soir ici à Avoria 1800? France, les amis, en direct sur Fun Radio. Avoria, il faut qu'on vous entende. La France vous écoute ce soir. Faites du bruit. Nous sommes à 1800 mètres de altitude, avec la neige et avec l'ambiance de la montagne. Let's go, go. Matt mixe le Party Fun Live depuis Avoria 1800. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche, la bouteille à la mer. Où c'est les vrais? Si tu parles paix, frappe fort. À la fin de coup les jazz. Recueille-toi et laisse-moi en faire. Quand les enfants se sentent, mon gars, c'est là qu'elle est pas la perdre. Et rien qu'elle se perde, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte, protège, le grand, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance. Gros, c'est la puissance. Gros, c'est la puissance. Gros, c'est la puissance. Gros, c'est la puissance. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Mix le Party Fun Live sur Fun Radio. Où sont ceux qui font le plus de bruit ce soir à Avoria 1800? J'ai du monde à ma droite, j'ai du monde à ma gauche ici. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. ¿Y dónde está mi gente? Que vamos en la tarde. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah. Que vamos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. T-Balvin, Willy William, te gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente, eso se fue mucho. No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Que vamos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Que vamos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Francia, Colombia.

Radio. Soirée ne fait que commencer ici depuis Avoria 1800, direct dans toute la France sur Fun Radio, avec Aslov qui sera derrière les platines ici à 23h. On y va! Délire tous ensemble les amis ici à Avoria. Pour ceux qui nous écoutent de chez eux, pour les teufs entre potes, en famille, on peut le faire aussi. J'ai demandé à tout le monde de lever uniquement la main droite en l'air, s'il vous plaît, la main droite. Et on est parti comme ça, tout le monde avec la main droite en l'air. Et la main droite, on l'envoie sur la gauche. Tout le monde la main droite à gauche. Là on est pas mal. Un truc de fond ce soir. Et hop, à droite la main. Et on passe de l'autre côté. Tu connais ça? Bitches. better bitches. Et ne fait que commencer en direct dans toute la France et dans le monde entier sur folradio.fr, sur l'appli depuis Avoria 1800. Est-ce qu'à cette heure-ci vous êtes toujours chaud? Ok, ça fait. Dans toute la France depuis la station de ski Avoria 1800. Je m'appelle Matt. Je sais pas si vous arrivez vraiment à vous rendre compte de l'ambiance qu'il y a en ce moment. Les rues sont blindées, les gens dansent comme des fous. Il fait moins 4 degrés, mais c'est quand même un truc de fou. Avoria 1800, Party Fun Live ce soir avec Asdov qui va prendre les platines à 23h. On passe le réveillon avec vous et n'oubliez pas, si vous prenez la route ce soir, si vous sortez entre potes, hyper important, pensez à désigner votre Sam avant de sortir, celui qui conduit. Avant de sortir, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bonne soirée à tout le monde, Party Fun Live en direct d'Avoria 1800 jusqu'à 2h du matin sur Fun. give it to, so me give it to, to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Chanka false. Well, I'm on the way the time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Oh, Lord, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Depuis Avoria 1800. Retrouvez le Party Fun d'Avoria en direct sur Fun Radio. Dans moins de 10 minutes, il sera ici derrière les platines depuis Avoria 1800 sur Fun Radio. Aslov. Depuis Avoria 1800. On vous écoute en direct sur Fun Radio à Voyage 1800. Encore plus de bruit s'il vous plaît à Voyage. Let's go. We'll be right back. we don't play. Hope you're ready for the next episode. Hold up. For my niggas who be keeping these all, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Smoke every day. For my niggas who be keeping these all, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Smoke every day. Matt mix le Party Fun Live depuis Avoria 1800. En direct sur Fun Radio depuis Avoria 1800. Juste avant, on se fait un petit kiff, écoutez ça. Fun Radio. Elle a pas pimé qui va ça. J'entends des bails à trois son main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas m'aider ta rêve. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, réponds ça plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les remords, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja. Tu penses à moi pour t'en faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Je compte sur vous pour les paroles. Toute la France vous écoute, attention. On se croise, faut pas tout faire. Tu cherches les enfers pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu déconnes. We'll be right back. va, tout le monde va bien. En direct dans toute la France sur Fun Radio, Avoria 1800. Il s'appelle Aslov, il démarre son set maintenant en direct ici. Faites du bruit pour Aslov. I wonder why the fight is on. Le réveillon avec Aslov. Bonsoir, je m'appelle Aslov, comment ça va Avoria? J'espère que vous êtes chauds ce soir les amis, puisque demain on sera en 2019. Ok, je vous montre toutes les mains en l'air s'il vous plaît. Live depuis Avoria 1800. when it first night, September, hey. Love was changing the minds, September, hey. While chasing the clouds away, our hearts were ringing, hey. In the key of our souls, singing, hey. As we danced in the night, remember, hey. How the stars go the night away. Voyage un maximum de bruit. Vous écoutez Fun Radio en direct de la station de ski à Moria, 1800, un truc de fou ce soir, de la neige. Il fait moins 4 degrés, mais c'est pas grave, on se réchauffe, on est super chaud. Un public de dingue, je ne vois pas le bout de la rue, honnêtement. Il y a du monde partout, ça danse sur les tables ici, ça danse sur les tables des bars, des restos, de tous les commerces qui sont à proximité. C'est vraiment un truc de dingue en ce moment. Aslove au platine, on va passer le réveillon du nouvel an ensemble. Donc allez, je regarde ma montre en même temps. Dans trois quarts d'heure, nous serons en 2019 et ce sera bien évidemment en direct sur Fun Radio. Aslove au platine, moi je reprendrai les platines juste derrière après à 1h du matin. Et en tout cas, les amis, surtout, pensez à désigner votre Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Hyper important, je vous souhaite une excellente soirée. Party Fun Live en direct d'Avoria 1800 ce soir sur Fun Radio. On revient dans un instant. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr.

Comment ça va, Avoria? Est-ce que vous êtes chaud ce soir, les amis? Ok. Sur Fun Radio dans toute la France. Alors faites un maximum de bruit s'il vous plaît. Avant rien. Je vends toutes les mains en l'air s'il vous plaît. Toutes les mains, toutes les mains, toutes les mains. Réveillon avec As Love. Ok. Avoria, est-ce que ça va? Bien les amis, j'ai rien entendu. Avoria, est-ce que ça va ce soir? Yeah. 2, 1, go. 2, 1, go! Vivez le réveillon avec le Party Fun Live d'Avril à 1800. Fun Radio. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. I just pulled up in the ghost, fucked that bitch up out in London. Then I fucked up on the cousin or her sister, I don't know nothing. And my niggas getting ignorant, like a liar, bitch, be ignorant. All this water on my neck look like I fell when I went fishing. There was diamonds on my bus, now ooh, fuck, what's the time? Oh, yeah. And smoke from sipping drink, ooh, fuck, she take lines, lines, lines. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I'm a sick fuck. I like the quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I like my dick sucked. I buy you a sick fuck. I buy you some new kicks. I bet you that dick up. We start a family behind us. Wrapped up. I'm a sick fuck. I'm in the point. I like the hearing stories. I like that whole shit. I want to hear more shit. I like the whole shit. Send us some more shit. You try to help. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Such a fucking. Soldier boy, tell you. Hey, I got the new damn for y'all called Soldier Boy. You gotta punch that crank back 3 times from left to right. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. Love mix le Party Fun Live depuis Avoria 1800. Avoria 1800 avec Aslov en ce moment au platine. N'oubliez pas, bien sûr, si vous êtes sur la route, si vous reprenez le volant après la soirée, de désigner votre Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, hyper important. Et là, dans 15 minutes, nous serons en 2019, ici, en direct, dans toute la France, depuis Avoria 1800. On va fêter ça, on va démarrer le compte à rebours tous ensemble. Vous écoutez Fun Radio. Party Fun Live, en direct, d'Avoria, ici, à moins 4 degrés. Il y a la neige, il y a le monde, il y a l'ambiance, un truc de fou en ce moment. Hein. On va vous faire vivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien évidemment, funradio.fr, le Facebook de Fun Radio, l'Instagram, le Snapchat Fun Radio FR. Il y a un feu d'artifice de prévu ici aussi, juste après le décompte de minuit, à vivre bien évidemment jusqu'à 2h du matin en direct sur Fun. I think too much. Ain't nobody watching. I just fade away. Ensure your time with Party Fun. C'est Party Fun sur Fun Radio. Les amis, est-ce que vous savez que dans 10 minutes, on sera en 2019? Plus que 10 minutes! Fun Radio. Can you do the fandango? Can you do the fandango? Can you do the fandango? Can you do the fandango? En direct sur Fun Radio. Plus que quelques minutes, les amis. Préparez-vous, le décompte démarre dans un instant. Préparez-vous, Avoria, faites du bruit! 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Fun Radio vous souhaite une bonne année depuis la station Avoria 1800. De la part de toute l'équipe de Fun Radio, toute l'équipe d'Avoria 1800, Aslan et moi-même, excellente année 2019! One more time. famille. Je suis très heureux de vous souhaiter une excellente année 2019. Faites du bruit avant rien. Je veux voir toutes les mains en l'air avant rien, s'il vous plaît. Regardez-moi ce feu d'artifice, les amis, juste ici, derrière moi. Avant rien. Boom, boom, boom, boom.